un monde que je ne connaissais pas. Peut-être un rêve, mais jamais osé le toucher du doigt. Pour une fois, pour me parler de toi, me dire que la terre est ronde, mais ni les gens ni les lois. Tu me présentes ce qui a fait cette partie de toi. N'oublie jamais ton rêve, sûr que tu l'atteindras demain.